sais pas ce qu'il dit dans la chanson. Je voudrais traduire le générique de Talent d'ici. Bonjour habitants de Talent d'ici, hommes et femmes qui nous écoutent. Et l'émission est en podcast. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Cordier, qu'on a déjà reçu il y a quelques années de cela. Voilà, j'ai déjà buté sur la première porte. Bonjour Thierry. Oui, bonjour David. Ça va bien ? Oui, pas mal, pas mal. Parce qu'il habite pas Nancy, il habite Longwy. Oui, côté. C'est ça. Pourquoi d'abord ? Pourquoi Longwy ? Pourquoi pas Nancy ? Ah bah écoute, c'est une question, pourquoi pas ? Bah je te laisse y réfléchir. Oui, mais non, pourquoi pas ? J'y avais pensé pendant un temps. C'est bah, vrai oui. Qu'il fut un temps où on avait pensé à venir habiter Nancy. Mmh. Et puis ce temps est passé. D'accord. Alors j'ai habité Paris, j'ai habité en Belgique, et Longwy. Et puis maintenant, à la campagne. Il faut savoir qu'il y avait un album qui était sorti, enfin un EP ou un album il y a quelques années. Un EP de combien ? 5 titres ? 4 titres. 4 titres. Le titre, c'était un nom spécial. Hein. C'était Four Standby. D'accord. C'était 4 Four Standby, c'est 4 ouais. Chansons pour attendre, en attendant l'album. Et l'album ? Et l'album est sorti le 25 septembre. Ah, c'était il y a assez récemment, sous peu. Enfin, c'était il n'y a pas longtemps. C'est tout nouveau. On peut savoir qui est venu avec toi, Thierry. Annonce-nous l'arrivée dans les murs de l'Oriane. Voilà. Oriane qui m'accompagne à la basse et au chant. Elle pourrait être ta fille. Je ne sais pas. Il ne sait rien. Il ne sait pas son âge. Je ne sais pas. Pas mais non, mais c'est vrai. Ouais, je ne sais pas. Oriane, on s'y perd avec les âges. Oriane, bonjour. Bonjour. Non, on va la refaire. Oriane, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle bien Oriane. Oriane. Je suis sûre, moi au moins. Pourquoi ? Oui, pas moi. Alors, il se trouve que le 11 octobre, il y a eu la release party avec des pas mal de population de ceux qui sont du coin, c'est ça ? C'était en tout cas, c'était pour remercier les soutiens qui ont soutenu le projet d'album parce qu'il a été financé en partie pas avec une campagne de financement participatif, en partie, ce qui a permis d'ailleurs de pouvoir sortir l'album. Et pour remercier ces soutiens, on a fait ce rendez-vous où ils sont venus assister à une répétition générale, si tu veux, du concert qu'on donnait le lendemain à Briey. Et c'était une façon de se rencontrer et puis qu'ils vivent... un peu que c'était pas vraiment concert, c'était plutôt comme une répétition. On s'arrête, on reprend quelque chose qui n'a pas été, enfin ça devant les personnes, et comme ça ils voient, c'est convivial, proche, et voilà, c'est un échange avec les personnes. Alors pour Oriane, ils voient, d'accord. Voilà, parce qu'elle dit 20, donc elle est pas narreuse aussi, j'ai fait le total, si vous entendez des termes bien lorrains, c'est Oriane. Mais alors pourquoi dans la nature ? C'est pas loin des gîtes, on peut parler des gîtes, tiens on va en parler, parce que je crois que tu gères des gîtes que tu as créés d'ailleurs. Oui c'est vrai, c'est à côté, c'est un peu dans ma nouvelle campagne, ou dans mes nouveaux horizons, dans le pays haut lorrain. C'est à toi, le terrain est à toi. Oui. D'accord. Oui, et c'était la ferme de mon grand-père, pour tout dire. En fait, pas un héritage familial, mais c'est une poursuite de l'histoire familiale où j'ai aménagé deux gîtes dans la ferme de mon grand-père. Et aujourd'hui, j'ai fait la bascule et j'ai quitté la ville pour habiter la campagne. D'accord. Et donc, dans cette campagne-là, où il y a plein de petites choses qui se passent, parce qu'on n'imagine pas les ramifications, les dynamiques qu'il y a dans la campagne. Des fois, tu vois un patelin, tu te dis, qu'est-ce que les gens ils peuvent bien faire dans ce truc-là, il ne se passe rien. Et puis, en fait, tu te rends compte que tu as des petits endroits où des gens se retrouvent, des bars rock, punk, des auberges, des petits producteurs. Et donc, en fait, il y a toute une dynamique dans... Ça me fait penser un peu à... Ça n'a rien à voir, tu vois, mais... ou à l'Italie, les petits villages italiens, ou les petits villages de l'Ardèche, où tu es toujours obligé de prendre ta voiture pour... tu vas d'un point à un autre, et puis dans chaque point, t'as un truc d'animation, un intérêt... La campagne du PIO, c'est un peu. Je découvre que c'est un peu ça. Donc la release party, là, effectivement, on l'a faite dans un de ces endroits secrets du PIO. Moi, je voudrais aussi rappeler qu'il y a des vidéos. Il y en a une qui date d'il y a quelques années. Quelques années. C'est pas non plus si vieux que ça. Il y a trois ans. Cet acteur au chapeau, comment s'appelle-t-il déjà? Non, il est chauve. Ah, Terry Cops. Voilà. Ou Michel Rion. Voilà. Oui, qui tu le connais? Bah non, bah on en a parlé à la fois d'avant, mais... Il... Juste, oui, bah tu sais, je me souviens plus. Hein. Non, mais je... Non, on va pas la garder, c'est oui, oui. Merci, ça sera coupé au montage. Ah. Ah, je me dis, qu'est-ce qu'il parle de moi? Non. Ou il parle de quelqu'un d'autre, là? Non, non, je crois que c'était quelqu'un qui était artiste aussi. Oui, c'est ça, oui, oui, ouais. c'est un photographe et qui photographe plasticien qui a joué avec moi pendant quelques années. Et avec qui on se retrouve toujours avec grand plaisir. Et je suis son évolution. Il a une vision artistique qui est fortement intéressante parce que contrairement à des tas de... Alors aujourd'hui, tout le monde est artiste, tout le monde est photographe, tout le monde est peintre. Je ne dis pas, mais il y a quand même pas mal aussi qui se disent peintres. Mais tu n'en as pas tant qui ont un vrai talent créatif ou un peu d'au-delà. C'est Michel Rion, Terry Cops, il a... Ce côté-là, si c'est pas un grand technicien, en tout cas, c'est quelqu'un qui ose des choses avec un univers vraiment décalé, et original, parfois surprenant, parfois dérangeant. Mais moi, j'aime bien son côté, c'est un punk de la photographie, j'ai dit. Ah ouais, il y avait des choses à dire sur lui. Ouais. Oriane, elle joue quoi comme instrument? Oriane, elle joue de la... Rapprochez-vous du micro, Oriane. Je l'ai rencontrée... Bonjour. Elle joue de la contrebasse et elle chante, mais elle joue aussi de la guitare et elle écrit aussi des chansons. Et on aura d'ailleurs l'occasion de l'entendre dans cette émission, pour sa première. Elle fait des premières parties de... Elle a fait les premières parties. Elle en fera peut-être d'autres. Et elle en fera d'autres, effectivement. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que vous avez une sœur, Oriane, qui s'appelle... Non, vous n'avez pas de sœur? Oui, si, j'ai ma sœur, Verena, qui est déjà venue à ton émission, d'ailleurs. Oui, je ne m'en souviens plus. Ah bah, tu vois, toi aussi. Oui, mais bon, moi, c'est une émission par semaine, donc Logical Tears. C'est ça, exactement. Je dis bien. Et l'album s'appelle comment? Demain, ce sera mieux. C'est un slogan, ça? C'est en tout... On en parle après avoir écouté le premier titre. Oui, oui non. Alors, je ne sais plus le nom du titre, moi, du coup. Ah, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est en train de se marrer parce qu'il se fout de moi. Voilà. Le premier titre, ça va nous rappeler, il y a 3 ans, voilà. En 2016, Blues Politique, Thierry Cordier. Demain. Ce sera mieux demain. Ce sera mieux demain. Demain. Demain. On sera mieux demain. Ce sera mieux. J'irai décrocher la lune. Je serai votre compagnon d'infortune. Des mots, toujours des mots. Des mots, toujours des mots. Avec moi, plus de problèmes, ce ne sera jamais pareil. Des mots, toujours des mots. Des mots, toujours des mots. Demain, ce sera mieux. Votez pour moi, on sera deux. Des mots, toujours des mots. Des mots, toujours des mots. Avec moi, du soleil, ce sera le pays des merveilles. Des mots, toujours des mots. Des mots, toujours des mots. Soif de pouvoir. Dans un systématique bourré d'allusions illusoires. Au rhum public, au café et à gare. Gratifie tes sourires. Rien au hasard. Demain, ce sera mieux. Demain. Demain, on sera mieux. Demain. J'irai battre le bitume pour gagner vos bulletins. Dans l'urne. Des mots, toujours des mots. Des mots, toujours des mots. Avec moi, du ciel bleu et des indécis heureux. Des mots, toujours des mots. Des mots, toujours des mots. Blues politique, trêve de comptoir. musique, bourré d'allusions, si du soir. Au rhum public, au café à gare. Ainsi soit-il dans l'isoloir. J'étais ailleurs hier, mais demain ce sera mieux, on sera deux. Ce sera mieux, les jours heureux. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Vous écoutez Christophe Miossec dans Talent d'ici. Non, il va se vexer. Ça te fait quoi si je t'appelle, enfin si je te compare à Miossec au niveau de la voix Oui, non, bah écoute, ça me dérange pas du tout parce que dans les variations de la voix, c'est quelqu'un. Oui, bon, on l'a pas dit souvent, mais bon, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'ai appris à aimer avec le temps. J'ai bien aimé son premier album, mais je crois que j'ai tous ses albums. Et j'ai joué avec lui, et ce fut un bon souvenir. C'était où ? C'était à Long-la-Ville. C'était pas Longwy, c'est à Long-la-Ville. C'est où Long-la-Ville ? C'est pas loin de Longwy. En fait, c'est dans le pays où, c'est à la frontière luxembourgeoise, dans une salle qui s'appelait Elsa Triolet, qui a pris feu. Depuis, ils ont rouvert l'espace culturel Jean Ferrat. Je sais pas si vous en parlez de temps en temps à Nancy, parce non. que c'est sûr qu'on est vachement loin. Mais c'est diffusé à Longwy, de toute façon. Mais ça change de fréquence, je crois, Longwy. Hein. Ouais, c'est pas la même fréquence. Voilà. Mais en tout cas, oui, j'avais fait sa première partie. Oui, c'était un. Donc les gens ne comprenaient rien, alors, parce qu'il y avait la voix de Thierry Cordier et celle de Christophe Miossec. Il n'était pas à la soirée, tiens, j'en parle, parce qu'on avait parlé de Bachung il y a une soirée, il y a quelques semaines de cela, Grand Rex, ce qui s'est passé. Grand Rex, 2600 places vendues d'un seul coup. D'accord. Mais je crois pas que. Écoute, j'ai regardé justement les personnes qui, non, y, avait qui pas y étaient et il me semble pas qu'il y avait Miossec. C'était les vrais musiciens donc, oui. Qui faisaient la vraie musique. Ah oui, Yann Péchin. Voilà. À la guitare notamment. Effectivement, qui est magnifique. Terrible. Il y avait de la contrebasse terrible. D'ailleurs dans la musique de. C'est Arnaud à la batterie. Et... Alors je les ai rencontrés tous les trois, tu vois. C'est parce que moi je suis fan de Bachung depuis le départ en D'accord. fait. D'accord. Et dès que j'ai entendu la première fois Gabi à la radio, 80, 78, 80, je me suis dit, il y a quelque chose. Hein. Et j'ai suivi Bachung depuis là. Et j'ai eu l'occasion de le voir en concert. Et j'ai surtout eu l'occasion de rencontrer Yann Péchin, son batteur et son bassiste, pour un concert que j'ai organisé avec Buzy. Ah, tu vois, la chanteuse Marie-Claire Buzy. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et Buzy n'avait pas de musicien, elle ne voulait pas remonter sur scène. Et moi, j'avais envie de la faire, de faire un concert avec elle. Et donc, en assistant, en fait, elle s'est fait accompagner, c'était après la mort de Bachung, de Yann Péchin, Arnaud Zeller, enfin, je ne me souviens plus exactement du nom de famille, et du bassiste. Et j'ai reçu un appel de Yann Péchin, qui m'appelait pour qu'on convienne de quelque chose. J'ai été le chercher à la gare. On a passé du temps ensemble et puis je l'ai ramené. Et puis on a passé pendant deux jours quasiment ensemble à faire les répétitions de Buzy et de faire le concert. Et j'en ai été... j'adore ce guitariste-là. Donc, si je devais avoir un guitariste, si un jour je pouvais jouer avec les trois qui ont accompagné Bachung, ce serait trop terrible. Il y a un DVD superbe qui s'appelle Les Grands Espaces, je crois, qu'il faut voir. Bah, j'ai vu la tournée là, des Grands Espaces, et ouais, c'est magnifique. Donc là, il y avait surtout TFN qui a repris La Nuit Je Mens, avec la musique absolument dantesque Et le texte de Jean Fauque, j'aimerais bien qu'il le sorte en DVD, mais à mon avis, c'est pas fait pour, mais c'était un one-shot, comme on dit. Bah, je ne sais pas, peut-être ils ont... j'en sais rien, en fait. Voilà, tout ça pour parler des comparaisons avec les musiciens. Oui. Vous connaissez un peu Bachung Orion ou pas ? Tout à fait, mais un peu. Justement, je réponds tout à fait à ta question sur le un peu. Voilà. Je redécouvre. Vous pouvez développer fait... un petit peu ou pas ? Comment vous aimez quoi dans... Bon, alors déjà, j'ai pas la mémoire des noms et des titres encore moins, donc j'ai des références plutôt musicales globales par morceau. Et c'est vrai que dans le travail de Thierry, on retrouve un peu cette influence que je trouve vraiment chouette. Et puis Thierry va bien au-delà, c'est-à-dire qu'en plus, chaque morceau se distingue vraiment dans les styles musicaux. Voilà, c'est au démarrage d'une chanson de Thierry, on sait pas que c'est lui. Alors que Bachung, on entend tout de suite dans l'harmonie musicale. Aux premières notes, on saura déterminer que c'est du Bachung. Très bien. Mais il y a un troisième musicien qui joue, c'est un batteur, non, avec vous. Oui, un percussionniste, mais dans la formule. Comment il s'appelle ? Fabrice Richard. D'accord. Et il n'est pas là ? Il n'est pas là parce qu'il était un peu souffrant. Ah. Et comme on a une série de concerts à faire et de résidences, il a préféré rester. Au calme, en tout cas, pour être prêt, parce qu'on a des longues journées et des échéances. Donc, c'était l'occasion pour qu'on vienne aussi avec Oriane à deux. Voilà. D'accord. Par rapport à cet album qui est sorti le 25 septembre, c'est ça, on sait déjà on a un petit peu combien il y a eu de tirages, on sait déjà combien sont partis. Aujourd'hui, les tirages, on en fait parce qu'il y en faut. On les vend en concert. Donc il y a toutes les personnes qui ont financé en fait le disque. Donc il y a à peu près 200, au moins 200 qui sont partis comme ça. Les autres partent au fur et à mesure dans les concerts et puis beaucoup partent dans les radios. Après les gens aujourd'hui téléchargent ou streament beaucoup plus. Quoi. Il est sur Deezer ou pas ? Oui. Très bien. Oui, sur toutes les plateformes qui peuvent exister dans 25 pays ou 120 pays, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a déjà des dates en novembre, décembre qui sont programmées ou pas ? Non, parce qu'en novembre, décembre, on a un autre projet où on chante du Baudelaire, avec la même formule d'ailleurs, avec Oriane et Fabrice, en scolaire. Et donc on commence en novembre les répétitions et les concerts en lycée. Ah oui ? Oui. Ça se passe quoi ? Dans les classes ? Salle exprès ? Oui, dans les salles, je suppose. Dans les salles, je n'ai pas été voir, mais en général... Tu l'as déjà fait, ça ? Oui, je l'ai déjà fait. Mais. Bon, en général, ils ont les établissements ont une salle où ils font venir des élèves. Quoi. Deuxième titre de cet album qui est sorti le 25 septembre. L'album s'appelle « Demain, ce sera mieux ». Thierry Cordier. J'ai fait le nécessaire. J'ai pesé le pour et le contre. Si tu es prête à changer d'heure, j'ai préparé notre rencontre. Je laisse la lumière toute la nuit. De loin, tu verras en voiture. J'ai balisé sur toute une vie pour préparer cette aventure. On peut descendre plus au sud. Je manque ici de chaleur. Tu n'adresses pas d'habitude. Je vais me faire tes humeurs. Si te vient le goût de rester, j'ai trouvé ce qu'il y a de mieux. J'ai fait le plein de nouveautés. Avec du temps, avec tes yeux. Tu sais, j'ai fait le nécessaire. Au-dessus du lit, j'ai écrit. Chaque jour, c'est un anniversaire. Je n'oublierai jamais, c'est promis. Regarde derrière les rideaux. Ne crois pas que je leur ressemble. Ils sont moins fiers s'ils sont plus beaux. Puisqu'ils n'ont jamais su t'attendre. On peut descendre plus encore. Si tu manques ici de douceur, j'ai tout prévu, le moindre effort. Tu sais, je connais ça par cœur. Si te vient le goût de rester, j'ai trouvé ce qu'il y a de mieux. J'ai fait le plein de nouveautés. Avec du temps, avec tes yeux. J'ai fait le nécessaire. j'ai préparé notre rencontre. Tu sais, pour faire le nécessaire, ne pense à rien, laisse-moi te dire. Nos rêves, c'est pas une mince affaire, gagnons du temps pour réussir. C'est pour faire le nécessaire, j'ai pesé le pour et le contre. Si tu veux vraiment changer d'air, j'ai préparé notre rencontre. Pour te descendre plus au sud, si tu manques ici de chaleur, j'ai qu'une adresse, pas d'habitude. Je vais me faire à tes humeurs, si tu as le goût de rester. J'ai trouvé ce qu'il y a de mieux, j'ai fait le plein de nouveautés. Avec du temps, avec tes yeux, j'ai fait le nécessaire. J'ai préparé notre rencontre. Vous écoutez Talent d'ici, c'était MRU avec Thierry Cordier. Talent d'ici avec David Ménard. Et d'abord, c'est pas Thierry Cordier, c'est Cordier dans la zone. Voilà, Cordier, tout simplement. S'il y en a un que vous connaissez, un Cordier, il y en a un seul, c'est nous qui l'avons. Voilà. Aujourd'hui dans l'émission. L'émission est podcastée, elle est diffusée sur cette radio associative qui nous suit et sur lesquelles vous pouvez redécouvrir Talent d'ici. Par exemple, la première, c'était Louisville. Voilà. Je crois que c'est tout ce qui est autour, c'est Ivana, c'est ça donc, c'est ça. La même, oui, c'est la même. On est un peu dans la même écurie avec, avec lui. Les chevaux des années de feu. En plus, avec lui, on se connaît depuis très longtemps. J'imagine. On l'embrasse. Alors, là, ce qu'on vient d'écouter, c'est assez spécial, parce que pour un seul titre, c'est ça, il y a deux musiciens en plus. On a... Oui, c'est une rencontre avec le duo martiniquais Salt and Pepper, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ça veut dire sel et poivre. Sel et poivre. Ah, je suis fort. Ouais, ouais. Même en martiniquais, toi, ça veut dire Salt and Pepper. Et oui, donc on s'est rencontrés, ils étaient en tournée en France, et on a profité qu'on a eu quelques temps ensemble pour faire un... Enfin, c'était l'occasion qu'ils étaient là, parce que c'est pas tout près, la Martinique. Ben non. Hein. Et donc on a enregistré ce titre-là. Il se trouve qu'ils aimaient tous les deux la chanson, et que c'est un titre de Zézé Mago, 7e rue. D'accord. Qui est tiré de son... Alors, je ne sais pas si c'est le deuxième album. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup Zézé Mago. Et donc, ça tombait bien que je leur ai proposé de faire ce titre-là. Mm-hmm. Je leur avais fait découvrir... Alors, je ne sais plus si je leur avais fait découvrir ou s'ils avaient découvert Zézé de leur côté. Mais en tout cas, on a fait une adaptation et une relecture. Le challenge, enfin, en tout cas, ou la création, c'était de faire une lecture à quatre voix. Mm-hmm. De la chanson de Zézé Mago qui a été écrite à une seule voix pour faire comme une histoire d'amis qui se rencontrent, qui chantent ensemble et qui partagent ce moment-là. Et c'est un vrai beau moment. Et il y a possibilité d'aller les voir, tu vas peut-être faire le trajet pour aller les voir. J'espère en tout cas, parce que j'espère je devais y aller cette année au printemps pour tourner le clip de 7e rue avant la sortie de l'album. Il y a les calendriers n'ont pas collé, j'ai pas pu y aller, donc j'espère bien y aller prochainement et en même temps jouer avec eux là-bas à la Martinique et tourner le clip. Oui, est-ce que dans les soirées gîtes, est-ce que tu programmes des soirées où tu chantes, tu fais découvrir ce que tu fais? Pas du tout. Non, c'est bien, non, c'est pareil. Mais écoute, on pourrait le faire, mais non, je veux pas mélanger les choses. À la limite, je le ferai pour des amis. La release partie qu'on a faite, c'était un peu ça. Au départ, je voulais le faire dans les gîtes ou à l'extérieur. Et puis bon, avec le temps, t'es jamais sûr. Dans le pays haut, tu sais bien qu'il fait 15 degrés de moins qu'à Nancy. Enfin, on a souvent de la neige. C'est un pays très très froid là-bas. Oui. Donc, il n'y a pas beaucoup de trains. Non, c'est difficile d'y aller. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a très peu de Nancyens qui viennent et que nous, on met longtemps pour. Tu vois, nous, on a mis 2 heures pour venir là aujourd'hui. D'accord. Ah oui, les bourrasques, le vent, ces conditions difficiles. Tiens, je te crois. Tu crois que je me moque de ta région? Non, mais bon, c'est un peu comme ça chez nous. Oui. C'est le bout de la France. Ouais. Très bien. Oriane, comment s'est passé comment vous avez... arrêtez de me répondre avec une voix... j'ai une chatte, moi. J'adore les yeux d'entre eux. Non, mais c'est vrai. Ça s'est passé comment, la rencontre? Il y a une rencontre. Qui a programmé qui a fait quoi quand vous êtes rencontrés? Moi, j'ai rencontré Oriane parce que je voulais vraiment une chanteuse et contrebassiste, bassiste. C'était vraiment la recherche. Je voulais vraiment monter un trio avec percussionniste pour avoir quelque chose d'acoustique et pouvoir refaire les chansons. Très naturellement, tu vois, sans très peu d'arrangement. Et depuis, j'ai toujours chanté avec une voix féminine. Mmh. Et alors, c'est par hasard, par un ami commun qui est Cyril Magie, avec qui j'ai fait les deux derniers clips que j'ai faits. En fait, avec Cyril, on se connaît depuis longtemps. Je ne savais même pas que Cyril connaissait quelqu'un. Enfin, bref. Et ça s'est passé comme ça au hasard d'une discussion. Je me suis dit, parle-lui-en. Et puis voilà, Cyril en a parlé à Oriane. Et puis on s'est rencontrés une fois chez Cyril. Et puis on s'est bien entendu. Alors comment ça s'est passé pour vous aussi? Oui, parce que du coup j'ai écouté l'album et j'aimais bien la diversité, l'approche vraiment musicale divers. C'est plaisant en fait quand. Quand on est musicien, de se dire ah bon, on va pas rester ancré dans un seul style musical, on va pouvoir s'amuser à tous les arborer en fait. Donc du coup, c'était musicalement intéressant. Mm-hmm. Et quand on s'est rencontrés, c'était humainement intéressant aussi. Donc du coup, on a tenté. Les arborer, c'est beau, hein. C'est un terme, on n'en parle pas souvent, arborer. Mais vous êtes professeur à côté ou pas? Absolument pas. On n'en saura pas. Moi, je propose de revenir à des années très lointaines pour ce qui me concerne. Je ne suis pas sûr d'en avoir fait, moi, mais bon. La Boom, ça évoque quoi pour toi par ta chanson, Thierry? La Boom, ça évoque mes premières Booms. Mmh. Alors avant, on appelait ça surprise partie, tu vois, peut-être dans les années 60 ou 70. On a appelé ça des booms après, me semble-t-il. En tout cas, moi, quand j'ai vécu ça, c'était ça. Maintenant, c'est un terme qui... Il y a une musique dont tu te souviens dans les booms? Moi, en tout cas, celles qui ont marqué mon truc, c'était Sister Jane de Tai Fong. Le groupe de Jean-Jacques Goldman. Parce que c'était un slow qu'on passait... presque en boucle, on avait les 45 tours, tu vois, à l'époque, donc il fallait se remettre le 45 tours. C'est le moment où on éteignait la lumière, où on laissait juste une petite lumière de quelques watts au plafond, et où on dansait les slow. Et alors donc, tu as emballé Sûrement. Probablement. La boum, c'était... Probablement, mais c'était ça. Enfin, en tout cas, les chansons, oui, s'il m'en revient une... De ces moments de boom, c'est Sister Jane de Tai Fong. Ça faisait comment, Sister Jane, tout de même? Moi, je chante très très mal, alors j'essaierai même pas de te faire le truc. Non, parce que j'arrive à mon souvenir, je confonds avec une autre chanson, mais je pourrais la chanter, mais je le fais pas. La boom, c'est tiré de l'album, tout simplement, Demain ce sera mieux. C'est le slogan du jour dans Talent d'ici avec Cordier. Souvenir. entre deux hommes, c'est lamentable. Trois verres de gin à Malibu, et la soirée n'en est qu'au début. Je me souviendrai de ma première surprise partie. C'était semblable. La tête me tourne, je crois que j'ai trop bu. Et la soirée n'en est qu'au début. Je me souviendrai. La Boum Cordier dans Talent d'ici. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Oui, parce que c'est bien Talent d'ici. Talent d'ici avec Cordier aujourd'hui. Thierry Cordier, mais l'album est signé au nom de Cordier. C'est presque l'instant du live, dites donc. Mm-hmm. Mais on va rappeler que l'album est sorti le 25 septembre, qu'on peut aussi, pourquoi pas, l'acheter directement à la fin des concerts. Oui, ou sur le net, sur le site du label Un Poisson dans le Désert. D'accord. Oui, pourquoi Un Poisson dans le Désert? C'est toi qui l'as créé, ça, ou c'est... Ah, oui, ouais, c'était... Il y a un certain temps. Ouais. Il y a quelques décennies. Oui, pour d'autres projets. Et le titre fait référence au film Arizona Dream. Ah oui, Kusturica. Oui, Emir Kusturica avec la bande qui est chantée par Iggy Pop. Ouais. Et c'est ce poisson qui dans le désert. Je vois. Avec Jerry Lewis d'ailleurs. Qui est un vendeur de voitures. Ah oui, c'est vrai. Johnny Depp et Faye Dunaway, la belle Faye Dunaway. Et donc c'est en référence à ce film-là, et c'est ma fille qui a trouvé le nom. On cherchait le nom pour un label, et puis comme on écoutait toujours ça dans la voiture à ce moment-là, et puis ma fille qui était petite, elle se dit pourquoi pas Un Poisson dans le Désert. C'est génial, puis, voilà, fille comme c'est ça. Devenu comme ça. Alors là, c'est pas un poisson dans le désert, c'est un requin. Sur, non pas le divan, ça ce sera la photo de fin de divan rouge, le canapé. Je vous propose d'aller vous installer, pourquoi pas, avec quelques titres. Les deux premiers titres, est-ce que tu te souviens des deux premiers titres que tu vas jouer? Quand même, parce que je me rappelle, il y a quatre choses que je me rappelle quand même. Hein. Alors, là, on va jouer des titres extraits de l'album en version acoustique, ouais. Donc basse, guitare et voix, accompagné d'Oriane. on fera ombre chinoise, jour après jour. C'est, et puis le, après on c'est vient... le temps. D'accord. Et Oriane nous fera le... l'honneur, la primeur. L'arborée. La primeur de nous interpréter une de ses chansons. Oui. Voilà. Tu peux faire sujet verbe complément. Hein. Non, mais il fera la primeur de nous interpréter une de ses chansons. Allez vous installer, Thierry Cordier, Oriane, pour ces deux premiers titres. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Je te parlerai de Nice en pudeur. Qu'à danser au bruit du ventilateur pour sécher tes reins baignés de sueur, histoire d'une flamme prise de l'intérieur. Là, à ton oreille, je te cajole confidence, le récit d'un monde où l'amour en silence cache derrière ses voiles des lueurs d'existence. Les ombres chinoises n'ont jamais peur, les ombres chinoises n'ont jamais peur. Noir et blanc. Vive la drapée, lumières artificielles, au rythme imagé d'une balancelle, rien sur leur visage ne traduit en couleur l'histoire d'une flamme prise de l'intérieur. Je sortir de l'ombre des principes imbéciles, rien que pour voir la tronche des paroissiens du style, montrer sur des planches l'amour en extérieur. Les ombres chinoises n'ont jamais peur, les ombres chinoises n'ont jamais peur du noir et blanc. Les ombres chinoises n'ont jamais peur. Chinoises n'ont jamais peur du noir et blanc de nos écrans. Les ombres chinoises n'ont jamais peur. Les ombres chinoises n'ont jamais peur. Les ombres chinoises n'ont jamais peur. Les ombres chinoises. N'ont jamais peur. Talent d'ici. Avec les radios associatives du Grand Est. Qu'importe les rêves ou la distance, le tour de la terre, on recommence. Partir d'ici dans le brouillard, se retrouver quelque part où plus rien ne nous sépare. Si c'est ici qu'on cimente, que je sois sorti de la tourmente, vouloir jouer de tes items, pouvoir t'entendre dire que tu m'aimes. Oh viens, je t'emmène, l'amour nous ruine. Jour après jour, on se construit notre séjour et on se destine pour un long tour. Sur ce trottoir, chemin de bitume dans le noir, à l'aveuglette au sens du toucher, se retenir sur un baiser, oh se prolonger, l'amour nous ruine, jour après jour, on se construit notre séjour et on se destine pour un long tour. On n'a pas fixé les barrières, pas osé regarder en arrière. Le tour de la terre, on recommence. Partir d'ici dans le brouillard et se retrouver quelque part où plus rien ne nous sépare, où plus rien ne nous sépare. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Eh, faut me prévenir dans ces cas-là. On a écouté deux titres de Cordier, Thierry Cordier. L'album s'appelle Cordier. Demain, ce sera mieux. Eh ben, merci de me souffler, parce que je le savais par cœur, mais bon. C'était quoi ces deux titres, Thierry? C'était les ombres chinoises. Il faut que je me rappelle, hein, les ombres chinoises, et jour après jour. Les ombres chinoises, alors c'est avec les deux titres avec la voix d'Orient, c'est ça? Ouais. Sur les ombres chinoises, oui. C'est chaud les ombres chinoises, c'est très tactile comme chanson. C'est vrai. Mais ton répertoire est très tactile. Écoute, j'aime bien les émotions, les sensations. Même après 30 ans? Dire les choses comme des films ou des images. Les ombres chinoises, c'est un peu ça, hein. C'est comme si c'était des... Un couple derrière un drap, comme des ombres chinoises, mais qui veut montrer l'amour à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de montrer l'amour à l'extérieur, et que ce ne soit pas simplement à l'intérieur. Donc c'est une façon d'extérioriser les sentiments, dire au monde qu'on peut être un monde d'amour. Voilà. Et le silence est toujours du Thierry Cordier. Après avoir écouté Thierry Cordier. Thierry, tu t'es remis au charbon pour deux titres supplémentaires. Quels sont-ils? Quels ont-ils été? Un titre supplémentaire. Ouais, deux titres extraits de l'album. Non, un titre supplémentaire, c'est vrai. Un titre. J'ai cru qu'on avait fait le blues politique aussi, mais non. C'est le temps. Voilà. Oui, c'est le temps. C'est le temps où l'on passe à côté. C'est aussi un message de cueillir le moment présent, ou de profiter de l'instant et profiter des moments où on peut être avec des personnes, enfin pareil, à partager, à vivre ensemble plutôt que de se laisser emporter par le travail ou enfin des tas de choses où tu vois pas passer le temps, c'est-à-dire à un moment, paf, on s'arrête et on savoure l'instant. On se pose, effectivement. Voilà. Tu penses faire encore longtemps cette double vie entre ton travail et la musique, ou si tu devais choisir, c'est une question bête. Écoute, j'ai parlé de travail, moi j'ai pas l'impression de travailler. Toi. Donc moi j'aime bien les projets, je peux pas rester à rien faire. Donc tant que j'ai pas l'impression de travailler, c'est bien. Aujourd'hui je fais ce qui me plaît, je chante et c'est bien comme ça. Alors j'espère effectivement que ça va continuer. D'accord. Et que demain ce sera encore mieux. Oh, ouais. Bon, très bien. J'avais bien amené sur le chemin. Oriane, je crois que vous allez chanter dans un instant. C'est pas que je crois, j'en suis sûr. Robe en fleurs, c'est ça? Tout à fait. C'est une chanson qui fait partie d'un répertoire. Un répertoire. Voilà, qui est en partie présentée en première partie de Cordier. D'accord. Et voilà, rien de plus à ajouter. C'est déjà enregistré, Non, c'est pas encore enregistré. Pour le moment, c'est pas. Voilà, c'est un projet à moyen terme. C'est d'enregistrer ces morceaux-là. Je vous laisse aller vous installer pour ce titre. Ok, avec plaisir. Bah, très bien, merci Thierry. Allez, avec Oriane, c'est parti. L'ennui passe à la télévision, dans le tube cathodique se perdent les passions. C'est le temps des parents cherchant à amasser la fortune sans les gants, sans penser à côté, aux voisins, à l'ami ou à ceux qui n'ont rien, juste un peu de folie et de chaleur aux mains. C'est le temps où s'installe le doute en attendant le temps s'écoule. C'est le temps où l'on passe à côté, cet instant que l'on laisse s'envoler. À qui tout double, le mariage ou l'amour, ce qui tombe se double. C'est le temps où la route ne cesse de tuer, quand l'alcool ou la fougue se partage la chaussée. C'est le temps où l'enfance s'expose dans le brouillard, à la folie des hommes sous les bombes du hasard. C'est le temps où il pleut, même sous le soleil, et qu'il manque au fond bleu les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le temps où l'on passe à côté, cet instant que l'on laisse s'envoler. Le temps où l'on passe à côté, cet instant que l'on laisse. Le temps, le travail des enfants, on s'en va vieillissant. C'est le temps diabolique du tout inaccessible, quand les vitrines s'illuminent sur un monde magique. C'est Noël tous les jours et les nains de velours pourront toujours s'amuser. C'est le temps où l'on passe à côté, cet instant que l'on laisse s'envoler, s'envoler. C'est le temps où l'on passe à côté, cet instant que l'on laisse s'envoler. Le temps où l'on passe à côté, cet instant que l'on laisse. C'est le temps où il pleut même sous le soleil, et qu'il manque au fond bleu les couleurs de l'arc-en-ciel. Le temps où il pleut même sous le soleil, et qu'il manque au fond bleu les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, s'envoler, s'envoler, s'envoler. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Le soleil brillait étant sa splendeur. Son chant s'élève à l'oreille de l'hiver. Et de sa lumière, il change sa robe en fleur. Oh, day, day, day, tilindam, day, tilindam, day, tilindam, day. Day, day, day, tilindam, day, tilindam, day, day. L'aurore dans son sommeil danse quand le printemps est là. La pluie s'en émerveille sans bruit, lui tend les bras. S'envole d'un air rieur, le ciel vermeil appelle ses voyageurs. Une douce brise y mêle ses couleurs, et de sa lumière il change sa robe en fleur. Oh, day, day, day, tilindam, day, tilindam, day, tilindam, day. Day, day, day, tilindam, day, tilindam, day, day. Son sommeil danse quand le printemps est là. La pluie s'en émerveille sans bruit, lui tend les bras. Day, day, day, tilindam, day, tilindam, day, tilindam, day. Ce que vous venez d'écouter, c'est jamais passé sur RCF et dans Talent d'ici. Oriane a interprété Robe en fleurs. Bientôt un répertoire sur scène, enfin c'est déjà le cas. Je l'espère. Oui. Très bien. Merci Oriane. Merci. Mais c'est le moment de se rappeler que c'est Talent d'ici et que le générique va arriver dans quelques instants. Merci Thierry. Mais merci à toi. Merci à toi. Alors. Merci, c'est un plaisir à chaque fois. Fais attention au bourrasque, hein, on entend. Oui, oui, ben, c'est ce que je disais à Antoine. Après le tunnel d'Ayange, on est sûr de rien. Donc, on espère qu'on va pouvoir rentrer facilement aujourd'hui. Il est plus dangereux que le col de Saverne. Oui, oui, non, puis c'est surtout que tu arrives dans le pays haut, quoi. Donc, tout de suite, c'est moins 15 degrés. C'est pas moi qui suis de les chutes de grêle, de neige. Et là, bon, déjà en octobre, c'est déjà l'hiver chez nous. D'accord. Les cinémas sont ouverts ce soir ou pas? Alors, oui. Écoute, s'il gèle pas trop ou que les routes sont praticables, je pense qu'il doit y avoir des séances, ouais, effectivement. Merci, Oriane. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Okay.